Bonjour. Bien, nous allons continuer notre exploration critique du monde numérique après plusieurs émissions qui ont déjà été consacrées à ce thème. Avec cette émission, nous allons écouter la présentation par son auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'emprise numérique. C'est une présentation qui a été faite par l'auteur lui-même à la librairie Michel Ferque à Montreuil en 2013. À cette occasion, il y avait aussi le groupe Marcus qui présentait La liberté dans le coma. Mais cette présentation sera pour la prochaine émission. Tout de suite, donc, on écoute Cédric Biagini, qui est donc l'auteur de L'emprise numérique, et qui va nous présenter son ouvrage. Je reviendrai ensuite sur les différents bouquins qu'il cite au cours de cette présentation pour donner un peu plus de précision. Je vais revenir un petit peu en 2007 sur le livre La tyrannie technologique, donc critique de la société numérique, qui était un livre collectif, dans lequel donc a écrit Célia Izoard, voilà, qui a été aussi liée à l'aventure de la liberté dans le coma. On écrit aussi Pièces et main-d'œuvre, Guillaume Carnino et moi-même. Donc en 2007, on avait sorti ce livre qui était pour nous un petit peu, on l'avait vécu à l'époque, on commençait vraiment à travailler, on commençait seulement à travailler sur ces questions-là, un petit peu comme un manifeste et un pavé lancé dans la mare, puisque sur ce sujet, précisément, sur la critique de la technologie, la critique anti-industrielle, il y avait énormément de gens qui avaient réfléchi, qui avaient publié des choses, mais sur la question du numérique à proprement parler, il n'y avait pas encore vraiment de critique radicale. Donc on avait sorti ce livre en 2007, où on avait tout d'abord essayé d'aborder la critique de la technologie en essayant de remettre en cause un certain nombre d'idées reçues, notamment que la technologie est neutre, que la technologie peut être libératrice. On avait aussi abordé la question de l'appauvrissement du monde, de l'uniformisation des modes de pensée, des modes de vie, des fragilisations d'ordre social, comme la précarisation, l'instabilité, la mise en concurrence, donc liée au développement des nouvelles technologies. Donc ce livre est sorti en 2007, on a eu un petit écho, on a fait pas mal de débats, ça a donné lieu à des discussions, et puis chacun, par la suite, que ce soit Célia Izoard, Pièces et main-d'œuvre, a continué un petit peu son parcours, et donc moi j'ai écrit en 2012 L'emprise numérique. Je considère un petit peu comme une suite de la tyrannie technologique. C'est comme ça que je démarre le livre. Mais entre 2007 et 2012, donc 2007 date de l'apparition de la tyrannie et 2012 date de l'emprise numérique, beaucoup de choses se sont passées qui concernent toutes les questions qu'on avait abordées dans ce livre-là. Notamment, il y a eu le développement fulgurant, spectaculaire, des réseaux dits sociaux, Facebook et compagnie, qui a pas mal changé la donne sur toutes ces questions-là. L'arrivée de son petit frère Twitter, et puis l'arrivée de nouveaux supports qui, pour moi, sont des supports qui nous ont fait encore un peu plus basculer dans un monde ultra connecté, qui sont donc le smartphone, vers la fin des années 2000, et puis les tablettes tactiles, multimédia, etc., type iPad, au début des années 2010. Donc des supports qui ont, là aussi, on y reviendra sûrement, pas mal changé les choses. Et là, on est dans une phase où j'ai donc écrit ce livre l'année dernière, à l'été dernier, et déjà, des choses ont évolué. La télévision est en train de se connecter. L'Internet des objets, là aussi, est en train de se développer. Le phénomène dit des big data, que j'aborde très rapidement dans le livre, et je dirais encore une nouvelle étape sûrement dans la numérisation et l'artificialisation du monde. Donc voilà, il y a eu un déferlement technologique très très important durant ces 5 années. Donc 5 années, c'est court, hein, normalement, à l'échelle d'une société, à l'échelle de changements sociaux, même à l'échelle de changements techniques. Mais à l'échelle du numérique et de la considérable accélération qui l'accompagne, beaucoup de choses se passent. Donc la première partie du livre, je l'ai appelée le déferlement numérique, et j'essaye d'aborder, de traiter un certain nombre de ces questions donc liées à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc comme le e-book, comme la question de la lecture numérique qui en découle, la question de la pénétration du numérique dans l'école et la question des réseaux sociaux. Et ce que j'essaye de l'approche que j'essaie d'avoir dans tout le livre consiste à dire que le développement des nouvelles technologies, c'est à la fois un processus matériel, comme je l'aborde, comme je viens d'en parler et que je l'aborde dans la première partie, c'est-à-dire l'invasion dans nos vies d'objets nouveaux, d'écrans, dans un processus d'auto-accroissement permanent. Chaque innovation en provoque de nouvelles. Par exemple, le smartphone dont je parlais tout à l'heure va amener le développement d'applications liées à la géolocalisation, qui elles-mêmes vont amener de nouveaux usages, etc., etc. Il y a aussi une combinaison de technologies. Une nouvelle technologie peut se combiner à une autre. Par exemple, la génétique, le développement de la génétique et du microscope électronique ont permis les OGM, le développement des OGM. Donc il y a ce phénomène, hein, qu'avait très bien décrit Jacques Ellul, d'auto-accroissement de la technique, de la technologie, qui fait qu'un surplus de technologie amène un surplus de technologie à nouveau. Avec, d'un point de vue social, un phénomène que le linguiste Raphaël Simonet a qualifié d'exaptation, c'est un concept qui l'emprunte à la biologie, qui est que l'organe crée la fonction. Donc ça, ça m'a paru assez important et j'ai trouvé que ce concept était intéressant. L'organe crée la fonction, c'est-à-dire dès qu'une technologie apparaît, elle crée très rapidement un nouveau besoin. C'est pour ça que les gens se l'approprient souvent très vite et se demandent même ensuite comment ils pourraient s'en passer, avec des effets de seuil. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Par exemple, le fait d'être joignable partout. Est-ce qu'il y avait un besoin impérieux, une demande sociale formulée, consciente ou inconsciente, de pouvoir être joint à tout moment? D'ailleurs, quand le téléphone portable est arrivé, dans les années 90, au départ, les gens qui avaient les portables étaient souvent qualifiés d'insupportables. Au départ, même socialement, ça ne passait pas. Et à partir du moment où les pionniers, hein, les plus technophiles, ont eu leur Bebop, leur téléphone portable, que la technologie a commencé à se développer, qui a eu ensuite un effet de seuil, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens ont commencé à l'utiliser et cette technologie a s'imposé, l'ensemble de la société a suivi. Voilà. Voilà où on en est 15 ans après. Donc voilà, ce phénomène d'exaptation qui peut être le fait de pouvoir écouter de la musique partout. Et on se rend compte qu'on va de plus en plus créer des besoins qui sont, par exemple, de savoir ce que font ses amis ou des connaissances, amis, je mets entre guillemets, hein, je fais référence à Facebook, savoir en temps réel tout ce qu'ils font. On se demande s'il y avait un besoin, une réelle demande sociale pour ça. Mais à partir du moment où le réseau social a commencé à se développer, où cette possibilité existe, on voit que les gens se mettent à l'utiliser, se mettent à être pris dans ces filets-là et commencent à être complètement formatés par ça. Pareil, le fait de voir un lieu avant de s'y rendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens, avant d'aller quelque part, vont regarder dans Google Street pour se rassurer, pour pouvoir anticiper, etc. Comment est-ce qu'est configuré l'endroit où ils vont. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est pensé. Ça, c'est un constat que je fais, qui peut paraître assez évident, mais qui est pensé. Le successeur de Steve Jobs à la tête d'Apple, Tim Cook, déclarait en décembre 2012... Notre mission, donc là il parlait d'Apple, mais je pense que ça va largement au-delà d'Apple, est de vous offrir quelque chose que vous ignoriez vouloir et dont vous ne pouvez plus vous passer une fois que vous l'avez. Donc il résume avec ces mots, et il se permet de le dire, vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir voilà, que c'est une déclaration publique, hein, il n'y a rien de secret. Donc il explique avec ses mots à lui ce phénomène d'exaptation qui consiste à dire, voilà, à partir du moment où l'organe est là, la fonction va suivre. Ce qui fait que cette maxime « quand on veut, on peut », hein, vous voyez, « vouloir, c'est pouvoir », a été inversée. Et aujourd'hui, on peut dire « quand on peut, on veut ». C'est-à-dire à partir du moment où la technoscience, à partir du moment où une innovation apparaît, il s'agit de savoir, donc on peut, je ne sais pas, en fait géolocaliser, savoir comment est-ce que la société, puisque c'est quand même elle à qui on s'adresse, c'est elle qui va acheter, c'est elle qui va utiliser ces technologies, c'est elle qui va faire que ces technologies permettent de gagner de l'argent, comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir vouloir, hein, la question de savoir, à partir du moment où on peut, quand est-ce que les gens vont vouloir. Alors il y a des choses, on a vu les réseaux sociaux, par exemple, ça a été très spectaculaire. Il y a certaines innovations sur lesquelles c'est plus compliqué. Je pense par exemple aux puces sous-cutanées, où là, il peut y avoir encore des barrières, des frontières que les gens ne sont pas prêts à franchir. Le degré d'acceptation de la population n'est pas encore suffisant pour que cette technologie se développe et se massifie. Hein, même si certains la testent déjà, etc., etc. Donc il y a cette question de savoir comment est-ce que les gens peuvent vouloir. Et donc c'est le deuxième point que je voudrais aborder. Donc ces technologies, donc, c'est un processus matériel, mais c'est aussi la diffusion d'un discours. C'est la diffusion d'un discours. Donc ces technologies, il faut se rappeler aussi que technologie à l'origine, au 19e siècle, c'était le discours sur la technique. Donc on voit un petit peu comment on pourrait retrouver cette définition. Ces technologies s'accompagnent toujours d'un discours très puissant et d'un discours permanent et qui va très souvent dans une direction. Donc il y a tout un appareillage idéologique qui fait que ces technologies sont porteuses de promesses. Et j'ai essayé dans la deuxième partie donc, du livre qui s'appelle « Les illusions numériques » d'un petit peu décrire quelles étaient ces promesses, d'où elles venaient, comment elles se sont développées, à quel moment aujourd'hui il y a des pics. Hein, c'est pour ça que j'ai fait toute une partie sur les mouvements sociaux en Tunisie, en Égypte, pour essayer de voir à quel moment il y a une espèce d'exaltation collective autour de ces nouvelles technologies et qu'on considère qu'elles sont libératrices. On retrouve le même type de phénomène quand l'iPhone est sorti, quand l'iPad est sorti, quand feu Steve Jobs faisait ses grandes conférences. Il y avait une forme de communion à l'échelle planétaire qui était ces pics, en fait, pour moi, d'exaltation technophile. Donc c'est ce que j'essaie un petit peu de décrire dans les illusions numériques. Et ce discours, l'hypothèse que j'émets, enfin je ne suis pas le seul, voilà, il y a des gens comme Philippe Breton qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Ce discours se constitue, se structure. Il y a un discours évidemment sur la technique, sur la technologie antérieure au développement des nouvelles technologies et de l'informatique. Mais le discours qui nous intéresse à proprement parler là, qui est celui de l'informatique et des nouvelles technologies, se structure, se construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Notamment avec les gens qu'on a appelés les cybernéticiens et la figure tutélaire qui est Norbert Wiener. Donc ce sont des gens qui ont notamment tenté de mettre en place l'intelligence artificielle, sur lequel ils ont en grande partie échoué, mais ils ont produit une pensée, un discours qui a structuré tout le développement de l'informatique et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et ce discours, cette pensée, cette idéologie même, on pourrait dire, part de l'échec de la pensée humaniste, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont réfléchi, à empêcher la folie meurtrière et le chaos de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le fait que les modes d'organisation, les modes de régulation, l'imaginaire qu'avaient développé les humains jusqu'ici, hérité de la pensée humaniste, n'avaient pas pu empêcher ni la Shoah, ni les 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agissait de réfléchir, hein, il y avait des conférences qui étaient faites, de nombreux écrits qui ont été produits, à une nouvelle manière de penser et d'organiser la société pour que ça ne se reproduise plus. Donc une nouvelle manière d'appréhender l'humain et son individualité. Tout ça partait de très bonnes intentions avec l'idée de construire une société plus juste et harmonieuse. Et notamment le mot harmonieuse, je pense qu'il est la question de l'harmonie, elle est assez importante. Et pour ça, donc, ces cybernéticiens, ces gens qui ont pensé donc, cette nouvelle forme d'organisation sociale, ont mis la communication et la transparence de l'homme à la société, de la société à l'homme, au cœur de leur idéologie. Et cette communication et cette transparence devaient se développer au travers de machines qui pourraient, parce que évidemment, l'informatique était beaucoup moins développée qu'elle ne l'est aujourd'hui, ces machines, on mettait l'espoir dans ces machines qu'elles pourraient, à un moment donné, prendre des décisions politiques rationnelles, sans affect, contrairement aux humains qui avaient montré toutes leurs limites. Donc l'idée était celle d'une communication universelle et permanente pour un ordre social pacifié. Donc il s'agissait de réaliser finalement ce vieux rêve libéral, hein, qu'on retrouve dès le XVIIIe siècle, dès le XIXe siècle, qui est celui de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Et là, cette administration allait passer par les machines et par l'informatique. Il faut rappeler que le mot ordinateur, par exemple, c'est assez intéressant, c'est que le mot d'ordinateur, donc le mot français, ordinateur, en anglais on dit computer, IBM cherchait, dans les années 50, quand ils ont développé une de leurs machines, IBM France cherchait à trouver un nom pour qualifier cette machine. Donc ils ont réfléchi à computer, comment le traduire en français, donc ce qui aurait pu donner calculateur ou calculatrice, mais ils ont trouvé que ça ne marchait pas. Ils ont demandé à un philologue qui s'appelait Jacques Perret de trouver un terme qui pourrait convenir à cette machine, et il a trouvé ce mot ordinateur qui en vieux français était ordonnateur, la personne qui met en ordre. Et dans le dictionnaire le littré, l'ordinateur désigne Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Et c'est ce mot-là qui a été retenu par IBM. Donc au départ, c'était le mot qui devait qualifier cette machine. Et finalement, IBM a laissé ce mot dans le domaine public. Et ce mot, donc voilà, a fait florès. En France, voilà, on utilise le mot d'ordinateur. Et je crois qu'il a été traduit aussi dans d'autres langues. Donc cette croyance qui accompagne le déploiement de cette nouvelle technologie porte en elle la promesse d'un monde meilleur. Là aussi, il y a tout un discours autour de la liberté qui est très très puissant, qui voit dans ces nouvelles technologies la possibilité de se libérer des contingences matérielles, des contraintes collectives, de s'affranchir des limites temporelles, spatiales notamment, c'est toute la déterritorialisation, relationnelle, le fait de pouvoir choisir ces relations, de ne pas les subir, voire même aujourd'hui, pour les plus, on va dire, technolâtres, corporelles, avec l'idée de pouvoir, un moment même, sortir de son enveloppe corporelle. Donc, grâce à ces nouvelles technologies, l'individu pourrait se réapproprier sa vie, choisir ses relations sociales et évoluer dans un monde beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus rationnel. Et dans cette vision, donc là, le terme vision, c'est vraiment au sens fort, au sens quasi religieux, tout doit se réduire à de l'information. Seul compte la transmission de messages, c'est un monde qui est fait d'éléments, toujours en mouvement, toujours en interaction. Tout doit se réduire à de la communication. Et ce sont des discours, là ça peut vous paraître un petit peu abstrait ce que je dis là, mais par exemple dans les mouvements sociaux qui ont pu se développer récemment, systématiquement on les associe à ces nouvelles technologies parce qu'on pense que plus l'information circule, plus le bien et l'harmonie et une société plus juste adviennent. Seul compte le flux, la connexion, l'ouverture, la transparence. Donc il faut communiquer tout le temps avec les autres humains au travers des réseaux sociaux. C'est cette idée-là quand même, d'être tout le temps connecté, d'être tout le temps en communication avec les autres, avec ces machines. Donc on est tout le temps en train de regarder des choses sur Internet, notamment avec cette révolution du smartphone qui fait qu'on a un ordinateur embarqué. Mais même aujourd'hui, les objets se mettent à communiquer entre eux. Voilà ce qu'on appelle l'Internet des objets. Les objets qui seront étiquetés électroniquement pourront rentrer évidemment en communication avec nous, mais pourront communiquer aussi entre eux. Donc tout devient communication. Et dans ce monde doivent disparaître tout ce qui est de l'ordre du conflit. C'est pour ça que la cybernétique au départ, quand elle pensait ce monde harmonieux, ce monde sans guerre, ce monde plus juste, avait cette problématique du conflit très à cœur. La friction, le hasard, la matérialité, tout ce qui peut être de l'ordre de la loi, voire même du corps. En fait, tout ce qui peut faire ralentir la communication fait surgir le mal. Et on peut l'entendre encore aujourd'hui, tout ce qui peut être du discours critique par rapport à ces nouvelles technologies, tout ce qui peut limiter les échanges de flux d'informations, que ce soit des lois comme Hadopi, que ce soit des limitations par des États, je pense à la Chine, que ce soit par certaines entreprises, est considéré aujourd'hui comme le mal. Parce qu'il faut à tout prix que l'information puisse circuler et que l'humain se transforme de plus en plus en fait en un émetteur et un récepteur d'informations. De plus en plus connecté, de plus en plus en contact, qui n'existe qu'au travers de l'échange et qui doit sans cesse rester dans le flux. Avec, et ça je l'aborde beaucoup dans la première partie du livre, des conséquences, bon, pour employer un mot un peu vilain, bon, qui est très tendance aujourd'hui, des conséquences cognitives assez importantes. Dans le sens où on s'est rendu compte que cette hyperconnexion, ces flux permanents avaient une influence sur nous, au-delà même des temps de connexion. C'est notamment le livre de Nicolas Kerr, avec ce titre qui est Internet rend-il bête, mais qui est un livre quand même très, très intéressant et très important. Il avait sorti un article qui s'appelait Google, rend-il stupide, et voilà. Et donc, il explique, Nicolas Sker, qu'il se rend compte qu'il n'est plus capable de lire, en fait, un texte long. Il n'est plus capable de se concentrer, donc là, sur papier, hein, je ne parle pas sur tablette ou sur e-book. Et il se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que 10 ans auparavant, il était encore capable de lire une œuvre longue, avec une lecture continue, linéaire, et pourquoi il ne peut plus. Donc, il part de là. Et ensuite, bon voilà, il va dérouler donc son raisonnement qui est voilà où il utilise beaucoup d'exemples, beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes qui montrent qu'en fait ces nouvelles technologies ont une influence très très importante sur nos processus de pensée et même sur nos manières d'être au monde. Là, je choisis pas trop l'aborder, je le fais pas mal dans le livre. Et en fait, nous sommes de plus en plus pétris des valeurs de ces machines, nous fonctionnons de plus en plus comme elles. Avec cette idée d'instantanéité, c'est-à-dire qu'il faut que les choses arrivent très très vite. Il y a une réduction de la durée, voire une abolition de la durée, on est donc sur une immédiateté. Avec cette idée de transparence, tout doit être le plus visible possible et tout ce qui peut être caché est suspect. Avec cette idée de profusion, quand on va dire, voilà, avec la tablette Kobo, vous pouvez embarquer 1400 livres en vacances, évidemment qu'on ne va pas lire les 1400 livres en vacances, mais c'est la puissance dont on peut disposer, c'est-à-dire on a la possibilité d'avoir ces 1400 livres. Dans le monde matériel, ça aurait paru complètement aberrant. On vous aurait dit, vous pouvez embarquer avec une charrette 1400 livres, vous vous mettez fou, je lis 2 ou 3 livres, pourquoi? Mais dans le monde numérique, pas du tout. Au contraire, c'est objet de valorisation. C'est un monde où la profusion, le fait que tout soit disponible, est extrêmement valorisé. Tout ça est évidemment propre aussi au capitalisme. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, avancé, à la modernité liquide, etc. Le fait qu'on veuille avoir tout de suite, immédiatement, d'accessible. Cette idée aussi d'interconnexion, comme le sont de plus en plus les machines, les humains doivent de plus en plus être interconnectés en permanence, et avec cette idée que tout doit être rationalisé et optimisé. C'est notamment la question centrale de ces big data. Donc l'intériorité individuelle de chacun s'est vraiment vidée pour se verser dans une extériorité numérique, une ouverture totale au réseau, avec cette idée que finalement, la distinction entre le vivant et le non-vivant, et l'humain et la machine, était de moins en moins opérant. Certains épistémologues qui travaillent là-dessus, les plus technophiles qui défendent même cette idée, qu'il y aurait un continuum informationnel entre l'humain, la machine, et même entre le vivant et le non-vivant. Que l'humain ne serait finalement, et là on rejoint peut-être les rêves de la cybernétique, qu'un maillon d'un gigantesque système communicationnel. Et Gunther Anders, et je terminerai là-dessus, Gunther Anders, donc dès les années 50, avait repéré ce phénomène en gestation, l'avait très très bien pensé avec des très très très très belles formules, oui, je vais en reprendre une tirée de l'obsolescence de l'homme, où il expliquait qu'hommes et machines allaient être des vivants qui vivent d'une même vie. Et c'est ce phénomène-là vers lequel on est en train d'aller. Voilà, c'était donc Cédric Biagini qui nous présentait son ouvrage « L'emprise numérique, comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies » qui est paru aux éditions Échappées en 2012. Et donc Cédric Biagini citait un certain nombre d'ouvrages qu'il avait inspirés. Et notamment La tyrannie technologique, paru aux éditions Les Échappées en 2007. Ensuite, il cite Jacques Ellul, philosophe qui est assez connu pour avoir essayé de penser l'autonomie de la technique. Il a écrit de nombreux ouvrages, mais il y a Jean-Luc Porquet, le journaliste du Canard Enchaîné, qui a fait une espèce de résumé assez intéressant de son œuvre, en tout cas sur la technique. Ça s'intitule Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu, aux éditions du Cherche Midi en 2003. Ensuite, Cédric Biagini cite aussi Philippe Breton, c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'informatique et la communication. Il a écrit une histoire de l'informatique aux éditions du Seuil, en livre de poche, qui est paru en 1987. Cet ouvrage retrace évidemment les débuts de l'informatique et pas tellement la période actuelle. Et aussi un ouvrage plus critique qui s'appelle L'utopie de la communication, aux éditions La Découverte, paru en 1992. Et qui anticipe déjà un certain nombre de développements actuels. Cédric Biagini cite Norbert Wiener, c'est le créateur de la cybernétique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Il a écrit « Cybernétique et société, l'usage humain des êtres humains », livre qui remonte aux années 50, mais qui a été réédité assez souvent. Moi, j'ai l'édition 10-18, qui date de 1970. Mais récemment, il y a une biographie qui a été publiée de lui. Les auteurs, c'est Flo Conway et Jim Seligman. Le titre « Héros pathétique de l'âge de l'information, enquête de Norbert Wiener, père de la cybernétique ». C'est paru aux éditions Hermann en 2012. Un livre qui remonte d'ailleurs aux années 2010 et qui donne une idée un peu à la fois des idées et de la vie de ce personnage assez curieux, Norbert Wiener, espèce d'anarchiste rationnel qui prenait justement cette utopie de la communication, c'est-à-dire le fait que tous les maux de l'humanité venaient du manque de communication et du manque de circulation de l'information. Cédric Béjani cite Nicolas Carr. Nicolas Carr, qui est un éditorialiste assez connu aux États-Unis et qui, justement, pour son regard critique, a été qualifié de Cassandre des nouvelles technologies, parce qu'il a souvent contribué à un discours critique sur leur impact, surtout en partant d'un constat personnel sur les conséquences qu'a Internet sur sa capacité de concentration pour nous inviter à réfléchir à l'influence des technologies sur notre manière de penser et de percevoir le monde. En 2008, il avait publié un article assez court qui s'intitulait « Est-ce que Google nous rend idiots ?» un texte d'environ 10 pages et qu'on trouve assez aisément sur Internet. Et plus récemment, en 2010, il en a fait un livre entier qui s'appelle « Internet rend-il bête ? Réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté ». Ça a été traduit donc en français aux éditions Robert Laffont en 2011. Pour finir, Cédric Biagini cite aussi Gunther Anders, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'obsolescence de l'homme sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle ». Un livre qui date de 1956 et qui a été traduit en français seulement en 2002 aux éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, mais qui montre à quel point justement cette volonté de remplacer l'homme partout par des machines plus efficaces et plus compétente, crée justement ce qu'il appelle l'obsolescence de l'homme, le sentiment que finalement l'homme est inutile aux machines et d'une certaine manière aussi à l'économie moderne, puisque il coûte beaucoup plus cher que des robots ou des machines et il est moins efficace. Donc voilà, avant de continuer par un petit retour vers le passé, je vous propose une pause musicale. Thank you. Voilà, vous écoutez Radio Zinzine et on vient d'entendre Kraftwerk, un groupe allemand qui nous a interprété Computer World. Et c'est un groupe qui avait, dans les années 80, fait de nombreuses musiques de ce style pour tourner un peu en dérision le monde de la machine. Et donc, on va continuer cette émission sur l'exploration critique du monde numérique avec un voyage dans le temps, puisque je vous propose un retour vers les débuts de l'informatique. C'est un documentaire d'Arte Radio qui a été réalisé en décembre 2012, qui s'intitule « Les pionniers français de l'informatique ». Et je vous lis la présentation. L'informatique a déjà plusieurs vies. Le Minitel vient de s'éteindre. Les premières machines de mécanographie font figure d'antiquité. Les anciens employés de Bull à Belfort sont parmi les pionniers de l'informatique en France. Et dans l'association PB2I, patrimoine belforin de l'industrie informatique, ils ont créé un petit musée de la mécanographie et des imprimantes. Ils racontent les premiers ordinateurs et partagent une nostalgie parfois critique pour cette période fondamentale. Moi, j'ai vu plusieurs générations, la mécanographie, ensuite les machines périphériques qui étaient associées aux gros systèmes de traitement. Ensuite, parallèlement, on a commencé à introduire la micro-informatique dans le travail de tous les jours, dans le travail du quotidien des techniciens. Puis ensuite, ça a été dans les foyers. Et puis maintenant, ça continue. C'est une nouvelle génération d'outils qui sont au fond de la poche, qui remplacent plein de choses. Un orgue de barbarie, comme chacun le sait, fonctionne à partir d'un carton qui est plié en accordéon et dans lequel il y a des trous. Ces trous défilent devant une arrivée d'air qui traverse les trous et va exciter une lamelle qui donne une note. Cet enregistrement, il est bien en mémoire sur un carton en accordéon, puisque une fois que le morceau est terminé, on l'enlève, on le met dans sa poche et on peut le réutiliser 6 mois plus tard. C'est bien une mémoire. Francis Poisson, ingénieur de maintenance chez Bull, de 1963 à 1998. Dans les années 50 jusqu'à la fin des années 60, l'informatique, c'était la mécanographie à cartes. J'ai fait toute ma carrière dans la compagnie des machines Bull, à laquelle je suis rentré en septembre 1953, jusqu'à début 91. Bull, c'était le nom d'un ingénieur norvégien qui a créé les premières machines statistiques. À l'époque, on n'appelait pas ordinateur ou tabulatrice, c'était une machine à statistiques. La mécanographie, c'était des immenses salles pour les grandes entreprises, en tout cas, où il y avait 10, 20, 30, 50, 200, 300 machines de saisie de données. Ensuite, le traitement, c'était vraiment comme un atelier d'usinage, si je puis dire, avec des opérateurs, des chefs d'équipe, des contremaîtres, des chefs d'atelier pour faire fonctionner les trieuses, l'interclasseuse, les tabulatrices. C'était des machines-outils, c'était l'organisation type d'un atelier d'usine, comme si ça avait été de la production de moteurs de voiture ou d'autres produits industriels. Les machines que nous avons au musée, la plus ancienne date de 1941. Bon, les dernières, c'est des machines de 1960 à peu près. Et ces machines-là, elles ont toutes été restaurées ici, à Belfort, dans notre association, pour les présenter en fonctionnement. René Beurier, j'ai occupé pendant plus de 30 ans des fonctions à Bull périphérique. Et puis, depuis 1993, j'ai présidé aux destinées d'une association qui s'appelle maintenant PB2I, mais qui s'appelait précédemment Fédération d'équipes Bull, dont le but principal est de sauvegarder le patrimoine informatique et industriel, comme c'est dit d'ailleurs dans notre nom. Patrimoine belfortin, de l'industrie informatique. Nous sommes tous dans la tranche des 70-80 ans, un peu au-delà même. Et on est bien conscient que dans quelques années, nos machines mécanographiques des années 50 ne fonctionneront plus parce qu'il n'y aura plus les techniciens disponibles, vivants, pour les maintenir en état de marche. Et même pour expliquer aussi le fonctionnement. Un atelier mécanographique 150 se compose d'un certain nombre de machines. 5 machines essentielles. À savoir la Pelleraude, qui est une machine de saisie donnée, avec tablier. Le but étant, à partir d'un bordereau manuscrit, de perforer les cartes qui allaient servir par la suite. Ensuite, il y avait la traductrice 80 colonnes, qui permettait d'inscrire en clair, en haut de la carte, les valeurs perforées dans celle-ci. La troisième machine qui concourt justement à la préparation des fichiers est la trieuse. Ça veut dire qu'on ordonne les cartes dans une suite logique. Ensuite, l'interclasseuse qui permettait la constitution de fichiers. L'interclasseuse, elle fusionne deux fichiers, le fichier dit des cartes maîtresses et le fichier des cartes mouvement qui correspondent à une opération particulière. Prenons par exemple la gestion de stock. On aurait une situation de départ et puis on aurait toutes les évolutions qu'il y a pu avoir dans le mois avec des sorties de pièces, des approvisionnements, etc. Donc en fait on fusionne les deux fichiers pour avoir un fichier unique qui nous donne une situation d'un moment. Et la pièce maîtresse d'un atelier mécanographique, la tabulatrice, qui permettait le traitement des données, et puis les calculs, l'édition d'un document. Pour un stock, par exemple, il y avait le listing des pièces détachées disponibles dans l'établissement. La tabulatrice, c'est la première machine qui a pu imprimer des résultats. Donc dans les années 1935, par exemple, il y avait déjà une imprimante sur une tabulatrice. Le programme était un programme câblé sur un panneau amovible, chaque type de travail ayant son tableau propre. Et on mettait en place sur la machine le tableau dont on avait besoin pour réaliser tel ou tel ou tel travail. Les programmes, c'était quelque chose qui était construit à la demande. Et pour ces instructions, on pluguait. Il fallait faire une liaison entre tel point de la machine et tel point de la machine pour que l'information arrive, pour qu'elle soit stockée. Stockée dans des pirelets, c'est-à-dire un interrupteur qui stocke 0 et 1, qui est la base de l'informatique. Hein. Ce n'est pas la base 10, c'est la base 2. Avec 0 et 1, on peut construire tous les chiffres imaginables. Et quand une entreprise passait du papier-crayon à une mécanisation du traitement de l'information avec la mécanographie à cartes, avant que le matériel soit livré au client, il y avait les programmeurs qui étaient là un mois, deux mois, trois mois avant pour construire les programmes. C'est-à-dire pour comprendre ce que le client voulait comme traitement et construire ces fameux panneaux de connexion pour que quand le matériel arrive, il n'y ait plus qu'à les plugger, comme on disait, et puis que ça démarre. La saisie, en principe, il s'agissait d'opératrices à qui on demandait de perforer des cartes à partir de documents manuscrits. On disait les perfos dans le langage courant. Que des femmes. Isabelle Schlottke, je travaillais en tant qu'opératrice chez Bull, quoi. On était alignés, il y avait trois rangs, quoi, je me souviens. Et puis il y avait un bureau, comme à l'école, avec une chef et puis qui distribuait le travail. Et tout le monde devant son clavier et on tapait. Et puis, quand on avait terminé notre travail, on prenait une règle, j'en ai un souvenir, on prenait une règle et on regardait combien on avait perforé de cartes Là, il fallait du rendement, oui. Madame Gresso-Yvette, j'ai 76 ans, bientôt 77. La chef de bureau nous apportait le travail. Il fallait taper, il ne fallait pas lever la tête. Parce qu'il fallait taper, taper, taper. Il fallait taper sans arrêt, sans arrêt. Dès qu'on avait fini un travail, elle nous en apportait un autre, tout de suite. À l'époque, on faisait 45 heures par semaine. Hein. À taper, taper, on avait bien souvent mal aux épaules et mal dans le dos. C'est pour ça qu'on avait un quart d'heure de pause, un quart d'heure de le matin et l'après-midi. Bien après, quand j'ai été partie, les perfos faisaient de la gymnastique pendant un quart d'heure. Moi, j'ai connu que le quart d'heure de pause, c'est tout. Il y avait les perfos et les vérifs. On tapait en dactylo pour saisir le tout. Et quand on avait terminé, on passait tout à la vérif qui refaisait le même travail. Et quand elle détectait une erreur, la machine s'arrêtait. Ah oui, il y avait des erreurs. Alors donc, c'était la collègue d'à côté qui vérifiait vos erreurs. Donc, t'as fait tant d'erreurs, quoi. Hein, comme à l'école, quoi. Hein. La panique, c'est quand il y a une machine qui tombait en panne, quoi. Donc là, c'est là qu'on appelait les réparateurs. On avait les techniciens qui arrivaient, donc des gens très sympathiques. Donc nous, ça nous changeait un peu la vie, quoi. Parce qu'on n'était que des femmes avec des blouses blanches. Ah, c'est répétitif. C'était répétitif parce qu'on faisait tous les jours la même chose. Taper, taper, taper, taper, c'est tout. Enfin, c'est du travail où... Je ne veux pas dire, mais... On n'a pas beaucoup de QI qui en ressort, quoi. Enfin, oui, c'est ça, quoi. On ne nous demande pas vraiment de réfléchir. Ces opérations, à l'époque, nécessitait un contrôle très poussé. Il faut bien, effectivement, s'assurer que les données ne sont pas erronées. Alors donc, il y avait multiples contrôles, redondants d'ailleurs, de vérification sur les machines et extra-machines pour vérifier qu'il n'y ait aucune erreur qui s'était glissée, soit dans un fichier, soit dans un travail d'exploitation. Il pouvait y avoir des erreurs au moment de la saisie, et puis il pouvait y avoir des cartes qui s'abîmaient dans les différents passages. Quand on faisait un tri, une machine qui créait un incident, il y avait des cartes abîmées, etc. Donc il fallait les refaire, il fallait... Donc il y avait une présence humaine, oui, importante et permanente. Hein. On ne pouvait pas échapper à ça. C'était comme ça. Moi, je n'ai pas souvenance, si vous voulez, de gros bugs, hein, comme on a l'habitude de les appeler. Non. Il y avait une certaine fiabilité qui était assurée par le processus, parce que le processus était peut-être contraignant, mais conduisait justement à cette fiabilité. Pour faire la paye de l'effectif qui était à Belfort, à cette époque-là, environ 1500 personnes, il fallait, entre la saisie des éléments sur le dossier mouvement, qui prenait pas mal de temps. C'est tout se faisait au clavier, à partir de documents écrits, les opératrices sur clavier traduisaient en carte perforée. Après tout le processus que j'ai un peu décrit à travers les machines, la constitution des fichiers, etc., il fallait une petite semaine pour faire tous les calculs de paye. À l'époque, la suite logique des matériels mécanographie à carte, Bull a appelé ça ordonnateur. En 1960, donc un petit peu avant pour le temps de le créer, la compagnie Bull a produit un petit monstre, le Gamma 60, qui était vraiment un ordinateur. C'était vraiment quelque chose de vraiment énorme, qui produisait autant d'informations que de calories, ou de calories d'informations, parce qu'à l'époque, les circuits électriques n'étaient pas miniaturisés comme ils le sont aujourd'hui, et on voyait sur les bâtiments, la vapeur qui s'échappait parce qu'il y avait pratiquement un système frigorifique aussi important que l'ordinateur lui-même. Avec la série des Gamma, en particulier le Gamma 60, qui était de très grands systèmes, qui, dans sa conception, avait tout ce que l'on a vu par la suite avec possibilité de traitement de l'information. Voilà pour moi l'apparition du mot ordinateur. Physiquement, c'était une série d'armoires. Il y avait des dérouleurs de bandes partout. Il y avait des disques qui pesaient chacun 300 kilos, sur lesquels on mettait 500 mégas. Aujourd'hui, sur un disque de 2 pouces et demi, on met 2 téras. C'était quelque chose de faramineux. Il fallait 3 niveaux. Un niveau où étaient les machines, un niveau au faux plancher où passaient les câbles de connexion, et un niveau en dessous où il y avait la réfrigération. On a saisi les données sur cartes perforées pendant longtemps, même après avoir commencé l'informatique, parce qu'il n'y avait pas de poste de travail à écran ou de micro-ordinateur connecté. C'était donc toujours du travail batch. Et contrairement au temps réel, c'est un fichier physique qu'on prend, qu'on traite et on a le résultat plus tard. Le batch processing, le traitement par lot. Ce qui sortait de l'informatique, les données de stock, les données de prix de revient, les données d'avancement de production, étaient malheureusement décalées. Autrement dit, ça représentait une photographie d'il y a 8 jours, 15 jours ou d'il y a un mois. La grosse avancée, ça a été le fait de pouvoir transmettre sur des fils des informations d'un lieu à un autre. Ça a conditionné la saisie en temps réel. Le téléphone a fait de grands progrès. Les vitesses de transmission, télégraphique ou téléphonique, la technologie a évolué et a permis de faire ces connexions. Alors la saisie en temps réel, à partir de postes de travail à écran, chez Bull, ça a dû se passer dans les années 75-78. Donc là, plus de cartes perforées. L'introduction des données dans la machine se faisait toujours à partir de documents manuscrits, mais directement du poste à écran en mémoire. Donc après, on a regroupé autour d'une unité centrale les périphériques, les systèmes d'entrée de données, soit par ruban, soit par disque, d'un poste de travail. On était relié directement à l'unité centrale. Dès qu'il y avait une saisie sur un poste de travail, l'ensemble du réseau était informé. Au début, limité sur un site industriel. À partir des années 80, les salles sont devenues presque des salles blanches à lesquelles on n'accédait pas, sauf quelques opérateurs. Et puis surtout, qui pouvaient être connectés à des milliers, même des dizaines de milliers de postes de travail qui pouvaient se trouver à 300 km ou même beaucoup plus loin. Les utilisateurs n'ont pas tous vécu ça de façon identique, hein. Beaucoup ont été traumatisés du fait de devoir entrer directement sur l'ordinateur central. C'était une autre technologie que ça commençait à devenir des armoires, on appelait ça. Jean-René Tenon, un ancien de chez Bull, retraité, j'ai 76 ans, on ne voyait plus ce qui se passait. C'était moins physique, quoi. Mais par contre, pour le suivi des commandes, pour nous, c'était très très pratique. Dans la limite où aujourd'hui, ça dure une demi-seconde, il faut savoir que nous, une transaction, ça durait parfois des minutes. Vous vouliez savoir, par exemple, la commande X. Alors, vous appeliez votre commande à l'écran, un code de trois chiffres, par exemple. 178, 178, ça veut dire l'état des réceptions. Alors, 178, transmit, et on attend. Parfois, une minute, trois minutes, des fois même. C'était vraiment la préhistoire, là. Mais bon, c'était ça le plus désagréable. En sus, à cette époque, il faut savoir que pour un homme, se servir d'un clavier, c'était dévalorisant. Donc là, bon, c'est une époque, bon, ça n'a pas duré 107 ans, mais les premières fois, quand on nous a amené ces terminaux et qu'on avait... on n'aimait pas trop, quoi. Le temps de la mécanographie a duré longtemps. On aurait pu peut-être aller un peu plus vite à ce moment-là. Puis après, on a été très vite. Avant, c'était un espèce de domaine un peu privilégié. On était entre initiés. Et ce qui n'avait pas été perceptible plus tôt, c'est l'essor que ça allait prendre et surtout l'essor dans le grand public. Hein. On n'imaginait pas à l'époque que quelqu'un allait avoir un micro-ordinateur chez lui, qu'il ait encore moins Internet. Hein. À cette époque-là, on était obligé d'avoir la compréhension de notre action. Alors qu'aujourd'hui, quand je l'utilise, bon, je ne me fatigue pas. Je sais que je peux cliquer, puis j'ai accès à toutes les banques de données que je peux voir dans le monde au besoin, si vous voulez. Aujourd'hui, moi, je prends mon ordinateur, je frappe, je fais des tas de choses, je travaille des images. Je ne sais pas ce qui se passe derrière, et c'est ça qui m'embête, en fait. Une anecdote, c'était il y a... disons une bonne dizaine d'années, que j'avais partagé avec quelqu'un qui avait une fonction assez importante. Il était tout fier un jour de me montrer son équipement informatique. Bon. Alors il était tout fier, il m'a fait une savante démonstration. Puis après, à la fin, moi, je lui ai un peu coupé l'herbe sous les pieds, lui disant, bon, enfin, finalement, monsieur, vous êtes un conducteur de machine. Hein? La machine, elle vous a pris une partie de votre matière grise, et vous êtes asservi à une machine. C'est vrai, il y a cet aspect-là, tributaire des logiciels et tributaire de toute la programmation. Alors, mais c'est une culture d'utilisateur. Eux, ça ne les intéresse pas de connaître ce qu'il y a dans la bête. Pas du tout. Mais c'est peut-être normal, d'ailleurs. Ils n'ont peut-être pas besoin de tout savoir. Les ordinateurs ? Moi, je ne m'en occupe pas. Moi, je ne sais plus taper dessus. C'est mon mari qui fait. Si de temps en temps, je ressors une recette de cuisine, c'est tout. Mon mari fait beaucoup de choses. Il a tout son compte en banque, il fait tout un tas de trucs dessus, quoi. Il est presque toute la journée là-dessus. Moi, j'ai une machine formidable. Oh, je bricole essentiellement. J'ai un ordinateur que j'ai construit moi-même avec du matériel qui vient du commerce, bien sûr, mais dans une grande boîte parce que j'ai mis trois cartes graphiques, Arte, un quadruple processeur, Radio, trois operating systems qui tournent en même temps et je n'en fais rien. .com. Enfin, j'ai un petit-fils qui a 17 ans qui, lui, en fait beaucoup de choses. Il bricole pas mal, il crée des programmes, il me fout aussi le bazar de temps en temps, mais... C'était donc un documentaire de Arte Radio sur Radio Zinzine. Et on va terminer cette émission et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ce sera le groupe Marcus qui nous présentera La liberté dans le coma, un essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer. À la prochaine. Thank you. C'était Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, proposée par Radio Zinzine.